Un truc à la YouTube. Justifier. batterie elle est trop. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. J'étais bercé par la vérité. Il est trop cool cet effet de ninja. Non, il n'y en aura plus jamais, hein. C'est moi, je fais les chansons et après elles disparaissent. cherche des paroles. Je ne sais pas comment te parler, je ne sais pas comment te parler. Thank you. C'est vrai que le batteur, il assure. En abuser. Avec l'érasion, les délais. Putain, j'arrive pas à l'enlever. La basse, tiens, je prenais la basse. Non, mais on peut changer maintenant, c'est bon. C'est un peu compliqué là. Oh. Monte, attends. Déjà, attends. Ah oui, mais attends, je me suis trompé. Écoute, si. On est bien en ligne. Bon, je vais enlever ce putain de métronome là. Putain, ça m'énerve, c'est drôle. Chante. Ouais, mais là je sais pas quoi chanter là. Attends. Je ne suis qu'un humain sur la terre. Rien n'a changé malgré mes prières. Sur la terre, rien n'a changé malgré mes prières. Thank you. j'y arrive pas bien là. J'arrive pas. Je ne suis qu'un humain sur la terre. Rien n'a changé malgré mes prières. Yeah. je vais bédave. Elle va bédave un peu. T'es du sud, toi. Hier soir ? Mais je m'en rappelle plus, moi. Hier soir, c'est fini, c'était le passé. Thank you. Celui qui chante, Michel Berger. Allez, c'est une chanson de Michel Berger. C'est un peu mon truc. Ça, c'est un peu mon style à la batterie, c'est pas trop. Un peu la batterie là si tu veux pouvoir tenter.